Après 200 mètres, on nous a ordonné de nous allonger. Tout le monde à terre. On était les uns sur les autres. Celui du bas était écrasé. Et celui du haut prenait les coups. Le pauvre type qui s'est retrouvé au-dessus de moi, j'ai senti du sang chaud couler ici. Le pauvre avait la tête toute ouverte. On est resté là-bas. Arrive le panier à salade. Il y avait deux policiers à gauche et deux autres à droite. On est à droite ou à gauche, on recevait des coups. Après que tout le monde soit monté dans le 1000 kilos, on a démarré. Arrivé à Châtelet, au niveau du pont au-dessus de la Seine, au lieu de passer sur le pont, on est descendu vers le fleuve. Arrivé en bas, on a commencé à crier. Dieu nous a entendus. Sur le pont, une Peugeot 204 passait. Ils sont descendus. C'était des inspecteurs. Ils ont demandé aux policiers ce qu'ils faisaient là. Ils avaient déjà ouvert la porte pour nous balancer dans le fleuve. Que faites-vous ici? On s'est trompé à cause de la pluie. Remontez et suivez-nous. On est remontés. De là, ils nous ont amenés au palais des sports.